Un jour viendra, je te le jure, je quitterai cette chambre obscure, brûlerai tout ce qu'il y avait dedans pour devenir ton amant. Ce jour viendra, c'est pour demain, ce sera un moment divin. Je signerai pour l'éternité qu'avec toi rien ne sera gagné. Genoux, sans plus penser, complètement sous, que seule la lumière du matin arrête l'impatience de mes mains. L'aurore est là, j'en suis certain, où je mangerai dans ta main, où je tenterai. Je t'offrirai des bouts de ciel, que la sueur ruisselle sur ton cou, que ton parfum.